Chapitre 3. Le sous-sol du Royaume-Uni. Il est convenable pour l'intelligence de ce récit de rappeler en quelques mots quelle est l'origine de la houille. Pendant les époques géologiques, lorsque le sphéroïde terrestre était encore en voie de formation, une épaisse atmosphère l'entourait, toute saturée de vapeur d'eau et largement imprégnée d'acide carbonique. Peu à peu, ces vapeurs se condensèrent en pluie diluvienne, qui tombèrent comme si elles eussent été protégées du goulot de quelques millions de milliards de bouteilles d'eau de Celt. C'était, en effet, un liquide chargé d'acide carbonique qui se déversait torrentiellement sur un sol pâteux, mal consolidé, sujet aux déformations brusques ou lentes, à la fois maintenu dans cet état semi-fluide, autant par les feux du soleil que par les feux de la masse intérieure. C'est que la chaleur interne n'était pas encore emmagasinée au centre du globe. La croûte terrestre, peu épaisse et incomplètement durcie, la laissait s'épancher à travers ses pores. De là, une phénoménale végétation, telle sans doute qu'elle se produit peut-être à la surface des planètes inférieures, Vénus ou Mercure, plus rapprochées que la Terre de l'astre radieux. Le sol des continents, encore mal fixé, se couvrit donc de forêts immenses. L'acide carbonique, si propre au développement du règne végétal, abondait. Aussi les végétaux se développaient-ils sous la forme arborescente. Il n'y avait pas une seule plante herbacée. C'était partout d'énormes massifs d'arbres, sans fleurs, sans fruits, d'un aspect monotone, qui n'auraient pu suffire à la nourriture d'aucun être vivant. La terre n'était pas prête encore pour l'apparition du règne animal. Voici quelle était la composition de ces forêts antédiluviennes. La classe des cryptogames vasculaires y dominait. Les calamites, variété de prêles arborescentes, sorte de lycopodes géants, hauts de 25 ou 30 mètres, large d'un mètre à leur base, des astérophiles, des fougères, des sigillaires de proportions gigantesques, dont on a retrouvé des empreintes dans les mines de Saint-Étienne. Toutes plantes grandioses, alors, auxquelles on ne reconnaîtrait d'analogue que parmi les plus humbles spécimens de la terre habitable, telles étaient, peu variées dans leur espèce, mais énormes dans leur développement, les végétaux qui composaient exclusivement les forêts de cette époque. Ces arbres noyaient alors leurs pieds dans une sorte d'immense lagune, rendue profondément humide par le mélange des eaux douces et des eaux marines. Ils s'assimilaient avidement le carbone qu'ils soutiraient peu à peu de l'atmosphère, encore impropre au fonctionnement de la vie, et on peut dire qu'ils étaient destinés à l'emmagasiner, sous forme de houille, dans les entrailles mêmes du globe. En effet, c'était l'époque des tremblements de terre, de ces secouements du sol, dus aux révolutions intérieures et au travail plutonique, qui modifiaient subitement les linéaments, encore incertains, de la surface de la Terre. Ici, des intumescences qui devenaient montagnes. Là, des gouffres qui devaient remplir des océans ou des mers. Et alors, des forêts entières s'enfonçaient dans la croûte terrestre, à travers les couches mouvantes, jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé un point d'appui, tel que le sol primitif des roches granitoïdes, ou que, par le tassement, elles formassent un tout résistant. En effet, l'édifice géologique se présente suivant cet ordre dans les entrailles du globe. Sol primitif que surmonte le sol de remblai, composé des terrains primaires, puis les terrains secondaires dont les gisements houillés occupent l'étage inférieur, puis les terrains tertiaires, et au-dessus, le terrain des alluvions anciennes et modernes. À cette époque, les eaux, qu'aucun lit ne retenait encore, et que la condensation engendrait sur tous les points du globe, se précipitaient en arrachant aux roches à peine formées, de quoi composer les schistes, les grès, les calcaires. Elles arrivaient au-dessus des forêts tourbeuses et déposaient les éléments de ces terrains qui allaient se superposer aux terrains houillés. Avec le temps, des périodes qui se chiffrent par millions d'années, ces terrains se durcirent, s'étagèrent et enfermèrent sous une épaisse carapace de poudingue, de schistes, de grès compacts ou friables, de gravier, de cailloux, toute la masse des forêts enlisées. Que se passa-t-il dans ce creuset gigantesque où s'accumulait la matière végétale enfoncée à des profondeurs variables? Une véritable opération chimique, une sorte de distillation. tout le carbone que contenaient ces végétaux s'agglomérait, et peu à peu la houille se formait, sous la double influence d'une pression énorme et de la haute température que lui fournissaient les feux internes, si voisins d'elle à cette époque. Ainsi, donc, un règne se substituait à l'autre dans cette lente mais irrésistible réaction. Le végétal se transformait en minéral. Toutes ces plantes, qui avaient vécu de la vie végétative sous l'active sève des premiers jours, se pétrifiaient. Quelques-unes des substances enfermées dans ce vaste herbier, incomplètement déformées, laissaient leur empreinte aux autres produits plus rapidement minéralisés, qui les pressaient comme eût fait une presse hydraulique d'une puissance incalculable. En même temps, des coquilles, des zoophytes tels qu'étoiles de mer, polypiers, spirifères, jusqu'à des poissons, jusqu'à des lézards, entraînés par les eaux, laissaient sur la houille, tendre encore, leur impression nette, comme admirablement tirée. La pression semble avoir joué un rôle considérable dans la formation des gisements carbonifères. En effet, c'est à son degré de puissance que sont dues les diverses sortes de houilles dont l'industrie fait usage. Ainsi, aux plus basses couches du terrain houillé, apparaît l'anthracite, qui, presque entièrement dépourvu de matière volatile, contient la plus grande quantité de carbone. Aux plus hautes couches se montrent, au contraire, la lignite et le bois fossile, substances dans lesquelles la quantité de carbone est infiniment moindre. Entre ces deux couches, suivant le degré de pression qu'elles ont subi, se rencontrent les filons de graphite, les houilles grasses ou maigres. On peut même affirmer que c'est la faute d'une pression suffisante que la couche des marais tourbeux n'a pas été complètement modifiée. Ainsi donc, l'origine des houillères, en quelques points du globe qu'on les ait découvertes, est celle-ci. Engloutissement dans la croûte terrestre des grandes forêts de l'époque géologique, puis minéralisation des végétaux obtenus avec le temps, sous l'influence de la pression et de la chaleur, et sous l'action de l'acide carbonique. Cependant, la nature, si prodigue d'ordinaire, n'a pas enfoui assez de forêts pour une consommation qui comprendrait quelques milliers d'années. La houille manquera un jour, cela est certain. Un chômage forcé s'imposera donc aux machines du monde entier si quelques nouveaux combustibles ne remplacent pas le charbon. À une époque plus ou moins reculée, il n'y aura plus de gisements carbonifères, si ce n'est ceux qu'une éternelle couche de glace recouvre au Groenland, aux environs de la mer de Baffin, et dont l'exploitation est à peu près impossible. C'est le sort inévitable. Les bassins mouillés de l'Amérique, prodigieusement riches encore, ceux du lac Salé, de l'Oregon, de la Californie, n'auront plus un jour qu'un rendement insuffisant. Il en sera ainsi des houillères du Cap-Breton et du Saint-Laurent, des gisements des Alganis, de la Pennsylvanie, de la Virginie, de l'Illinois, de l'Indiana, du Missouri. Bien que les gîtes carbonifères du Nord-Amérique soient 10 fois plus considérables que tous les gisements du monde entier, 100 siècles ne s'écouleront pas sans que le monstre à millions de gueules de l'industrie n'ait dévoré le dernier morceau de houille du globe. La disette, on le comprend, se fera plus promptement sentir dans l'ancien monde. Il existe bien des couches de combustible minéral en Abyssinie, à Natal, aux Zambèzes, à Mozambique, à Madagascar, mais leur exploitation régulière offre les plus grandes difficultés. Celles de la Birmanie, de la Chine, de la Cochinchine, du Japon, de l'Asie centrale seront assez vite épuisées. Les Anglais auront certainement vidé l'Australie des produits houillés, assez abondamment enfouis dans son sol, avant le jour où le charbon manquera au Royaume-Uni. À cette époque, déjà, les filons carbonifères de l'Europe, atteints jusque dans leurs dernières veines, auront été abandonnés. Que l'on juge par les chiffres suivants des quantités de houille qui ont été consommées depuis la découverte des premiers gisements. Les bassins houillés de la Russie, de la Saxe et de la Bavière comprennent 600 000 hectares, ceux de l'Espagne, 150 000, ceux de la Bohême et de l'Autriche, 150 000. Les bassins de la Belgique, longs de 40 lieues, larges de 3, comptent également 150 000 hectares, qui s'étendent sur les territoires de Liège, de Namur, de Mons et de Charleroi. En France, le bassin situé entre la Loire et le Rhône, rive d'Augier, Saint-Étienne, Givors, Épinac, Blanzy, le Creusot, les exploitations du Gard, Alais, la Grande Combe, celles de l'Aveyron à Aubin, les gisements de Carmaux, de Bassac, de Graisse-Sac, dans le nord, Anzin, Valenciennes, Lens, Béthune, recouvrent environ 350 000 hectares. Le pays le plus riche en charbon, c'est incontestablement le Royaume-Uni. Celui-ci, en exceptant l'Irlande, à laquelle manque presque absolument le combustible minéral, possède d'énormes richesses carbonifères, mais épuisables comme toute richesse. Le plus important de ces divers bassins, celui de Newcastle, qui occupe le sous-sol du comté de Northumberland, produit par an jusqu'à 30 millions de tonnes, c'est-à-dire près du tiers de la consommation anglaise et plus du double de la production française. Le bassin du pays de Galles, qui a concentré toute une population de mineurs à Cardiff, à Swansea, à Newport, rend annuellement 10 millions de tonnes de cette houille si recherchée qui porte son nom. Au centre s'exploitent les bassins des comtés d'York, de Lancastre, de Derby, de Stratford, moins productifs, mais d'un rendement considérable encore. Enfin, dans cette partie de l'Écosse située entre Édimbourg et Glasgow, entre ces deux mers qui les chancrent si profondément, se développe l'un des plus vastes gisements houillers du Royaume-Uni. L'ensemble de ces divers bassins ne comprend pas moins de 1600 000 hectares et produit annuellement jusqu'à 100 millions de tonnes du noir combustible. Mais qu'importe, la consommation deviendra telle, pour les besoins de l'industrie et du commerce, que ces richesses s'épuiseront. Le troisième millénaire de l'ère chrétienne ne sera pas achevé, que la main du mineur aura vidé en Europe ces magasins dans lesquels, suivant une juste image, s'est concentrée la chaleur solaire des premiers jours. Or, précisément, à l'époque où se passe cette histoire, l'une des plus importantes houillères du bassin écossais avait été épuisée par une exploitation trop rapide. En effet, c'était dans ce territoire qui se développe entre Édimbourg et Glasgow, sur une largeur moyenne de 10 à 12 miles, que se creusait la houillère d'Aberfoyle, dont l'ingénieur James Starr avait si longtemps dirigé les travaux. Or, depuis 10 ans, ces mines avaient dû être abandonnées. On avait pu découvrir de nouveaux gisements, bien que les sondages eussent été portés jusqu'à la profondeur de 1500 et même de 2000 pieds, et lorsque James Starr s'était retiré, c'était avec la certitude que le plus mince filon avait été exploité jusqu'à complet épuisement. Il était donc plus évident que, en de telles conditions, la découverte d'un nouveau bassin houillé dans les profondeurs du sous-sol anglais aurait été un événement considérable. La communication annoncée par Simon Ford se rapportait-elle à un fait de cette nature? C'est ce que se demandait James Starr, c'est ce qu'il voulait espérer. En un mot, était-ce un autre coin de ces riches Indes noires dont on l'appelait à faire de nouveau la conquête? Il voulait le croire. La seconde lettre avait un instant dérouté ses idées à ce sujet, mais maintenant il n'en tenait plus compte. D'ailleurs, le fils du vieil Overman était là, l'attendant au rendez-vous indiqué. La lettre anonyme n'avait donc plus aucune valeur. À l'instant où l'ingénieur prenait pied sur le quai, le jeune homme s'avança vers lui. « Tu es Harry Ford ?» lui demanda vivement James Starr, sans autre entrée en matière. « Oui, monsieur Starr. Je ne t'aurais pas reconnu, mon garçon. Ah, c'est que depuis 10 ans, tu es devenu un homme. » « Moi, je vous ai reconnu, » répondit le jeune mineur qui tenait son chapeau à la main. « Vous n'avez pas changé, monsieur. Vous êtes celui qui m'a embrassé le jour des adieux à la fosse d'Auchard. Ça ne s'oublie pas, ces choses-là. »« Couvre-toi donc, Harry, » dit l'ingénieur. « Il pleut à torrents et la politesse ne doit pas aller jusqu'au rhume. »« Voulez-vous que nous nous mettions à l'abri, monsieur Starr ?» demanda Harry Foyle. « Non, Harry, le temps est pris. Il pleuvra toute la journée et je suis pressé. « Partons. »« À vos ordres, » répondit le jeune homme. « Dis-moi, Harry, le père se porte bien ?»« Très bien, monsieur Starr. »« Et la mère ?»« La mère aussi. »« C'est ton père qui m'a écrit pour me donner rendez-vous au puits de Harrow ?»« Non, c'est moi. »« Mais Simon Ford m'a-t-il donc adressé une seconde lettre pour contremander ce rendez-vous? Demanda vivement l'ingénieur. Non, monsieur Starr, répondit le jeune mineur. Bien, répondit James Starr, sans parler davantage de la lettre anonyme. Puis reprenant. Et veux-tu m'apprendre ce que me veut le vieux Simon? Demanda-t-il au jeune homme. Monsieur Starr, mon père s'est réservé le soin de vous le dire lui-même. Mais tu le sais. Je le sais. Eh bien, Harry, je ne t'en demande pas plus. En route, donc, car j'ai hâte de causer à Simon Ford. À propos, où demeure-t-il? Dans la mine? Quoi? Dans la fosse d'Auchard? Oui, monsieur Starr, répondit Harry Ford. Comment? Ta famille n'a pas quitté la vieille mine depuis la cessation des travaux? Pas un jour, monsieur Starr. Vous connaissez le père. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il veut mourir. Je comprends cela, Harry, je comprends cela. Sa houillère natale. Il n'a pas voulu l'abandonner. Et vous vous plaisez, là? Oui, monsieur Starr, répondit le jeune mineur, car nous nous aimons cordialement et nous n'avons que peu de besoins. Eh bien, Harry, dit l'ingénieur, en route. Et James Starr, suivant le jeune homme, se dirigea à travers les rues de Callander. 10 minutes après, tous deux avaient quitté la ville.